keufs me prennent. Cauchemars sont devenus des rêves. Mes princesses sont devenues des reines. Le mal que je traîne, le diable qui m'entraîne. Je pense à des frères qui sont devenus des traînes. Frère c'est qui domine, première classe Boeing. Dubaï, gros Tupac, j'ai qui comme au bowling, hein. 7 millions sur le compte de mon fiston. Nous on fait du shit, toi tu manques de temps. Tu niques ton père, je nique dans la rue. Faut que ton père, faut que les millions de vues. Un mètre ou deux mètres, tu sais qu'on est fait. Tournerai qu'on pousse, tu sais qu'on est prêt. On vient de Paname, on baisse des deux trains. On est samedi soir, tu sais qu'on est fait. Brasse, brasse au max. Brasse, brasse au max. Ça brasse, brasse au max. Brasse, brasse au max. Ça brasse, brasse au max. Brasse, brasse au max. Ça brasse, brasse au max. Brasse, brasse au max. Sale fils de pute, y'a de la pure. Dès que genre les rappeurs rentrent en cure, j'prends la coupole sur un jet. Nique sa rhum, on aime le danger. A 250 que frère, une vue sur la mer. Perte de la guerre, prêt pour la guerre. Frère au ciel, peu sous la verse. Par balle avec tout. Amateur, tu vises, ma tata même pas le jour. Mon gros, mais pourquoi tu fais du bif? Pour ta famille ou pour tes salopes. Payez des pas, vous percez des coffres. Pour le 9-4, pour le 9-5. Un mètre ou deux mètres, tu sais qu'on est prêt. Tu voudrais qu'on pousse, tu sais qu'on est prêt. On vient de Paname, on baisse des deux trains. On est samedi soir, tu sais qu'on est prêt. Brasse, brasse au max. Brasse, brasse au max. Ça brasse,